Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend en témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment en mon cœur. Car moi-même je souhaiterais d'être séparé de Christ pour mes frères, qui sont mes parents selon la chair, qui sont israélites, desquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, et les promesses, desquels sont les pères, et desquels selon la chair est descendu Christ, qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement. Amen. Toutefois il ne se peut pas faire, que la parole de Dieu soit anéantie, mais tous ceux qui sont d'Israël, ne sont pas pourtant Israël. Car pour être de la semence d'Abraham ils ne sont pas tous ses enfants, mais, c'est en Isaac qu'on doit considérer sa postérité. C'est-à-dire, que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont réputés pour semence. Car voici la parole de la promesse, je viendrai en cette même saison, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un, savoir de notre père Isaac. Car avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein arrêté selon l'élection de Dieu demeurât, non point par les œuvres, mais par celui qui appelle. Il lui fut dit, le plus grand sera asservi au moindre. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï accent aigu Esaü tréma. Que dirons-nous donc, y a-t-il de l'iniquité en Dieu, à Dieu ne plaise. Car il dit à Moïse, j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion, et je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Ce n'est donc point de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai fait subsister dans le but de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié dans toute la terre. Il a donc compassion de celui qu'il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or tu me diras, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est celui qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu? Toi qui contestes contre Dieu, la chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier de terre n'a-t-il pas la puissance de faire d'une même masse de terre un vaisseau à honneur, et un autre à déshonneur? Et qu'est-ce si Dieu, en voulant montrer sa colère, et donner à connaître sa puissance, a toléré avec une grande patience les vaisseaux de colère, préparés pour la perdition, et afin de donner à connaître les richesses de sa gloire dans les vaisseaux de miséricorde, qu'il a préparés pour la gloire, et qu'il a appelé, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon ce qu'il dit en Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était point mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était point la bien-aimée. Et il arrivera, qu'au lieu où il leur a été dit, vous n'êtes point mon peuple, là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Aussi Esaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, il n'y en aura qu'un petit reste de sauvés. Car le Seigneur consomme et abrège l'affaire en justice, il fera, dis-je, une affaire abrégée sur la terre. Et comme Esaïe avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous eût laissé quelques semences, nous eussions été faits comme Sodome, et eussions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Que les gentils, qui ne cherchaient point la justice, ont atteint la justice, dis-je, qui est par la foi. Mais Israël cherchant la loi de la justice, n'est point parvenu à la loi de la justice. Pourquoi? Parce que ce n'a point été par la foi, mais comme par les œuvres de la loi, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement. Selon ce qui est écrit, voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement, et la pierre qui occasionnera des chutes, et quiconque croit en lui, ne sera point confus.